Chapitre 3 de l'état de guerre. L'état de guerre est un état d'inimitié et de destruction. Celui qui déclare à un autre, soit par parole, soit par action, qu'il en veut à sa vie, doit faire cette déclaration non avec passion et précipitamment, mais avec un esprit tranquille. Et alors, cette déclaration met celui qui l'a fait dans l'état de guerre avec celui à qui il l'a faite. En cet état, la vie du premier est exposée et peut être ravie par le pouvoir de l'autre, ou de quiconque voudra se joindre à lui pour le défendre et épouser sa querelle. Étant juste et raisonnable, que j'ai droit de détruire ce qui me menace de destruction. Car par les lois fondamentales de la nature, l'homme étant obligé de se conserver lui-même autant qu'il est possible, lorsque tous ne peuvent pas être conservés, la sûreté de l'innocent doit être préférée. Et un homme peut en détruire un autre qui lui fait la guerre ou qui lui donne à connaître son inimitié et la résolution qu'il a prise de le perdre, tout de même que je puis tuer un lion ou un loup, parce qu'ils ne sont pas soumis aux lois de la raison et n'ont d'autres règles que celles de la force et de la violence. On peut donc traiter comme des bêtes féroces ces gens dangereux qui ne manqueraient point de nous détruire et de nous perdre si nous tombions en leur pouvoir. Or, de là vient que celui qui tâche d'avoir un autre en son pouvoir absolu se met par là dans l'état de guerre avec lui, lequel ne peut regarder son procédé que comme une déclaration et un dessein formé contre sa vie. Car j'ai sujet de conclure qu'un homme qui veut me soumettre à son pouvoir, sans mon consentement, en usera envers moi si je tombe entre ses mains, de la manière qui lui plaira et me perdra sans doute, si la fantaisie lui en vient. En effet, personne ne peut désirer de m'avoir en son pouvoir absolu que dans la vue de me contraindre par la force à ce qui est contraire au droit de ma liberté, c'est-à-dire de me rendre esclave. Afin donc que ma personne soit en sûreté, il faut nécessairement que je sois délivré d'une telle force et d'une telle violence. Et la raison m'ordonne de regarder comme l'ennemi de ma conservation celui qui est dans la résolution de me ravir la liberté, laquelle en est, pour ainsi dire, le rempart. De sorte que celui qui entreprend de me rendre esclave se met par là avec moi dans l'état de guerre. Lorsque quelqu'un dans l'état de nature veut ravir la liberté qui appartient à tous ceux qui sont dans cet état, il faut nécessairement supposer qu'il a dessein de ravir toutes les autres choses, puisque la liberté est le fondement de tout le reste. De la même manière, un homme dans un état de société qui ravirait la liberté qui appartient à tous les membres de la société doit être considéré comme ayant dessein de leur ravir toutes les autres choses et par conséquent comme étant avec eux dans l'état de guerre. Ce que je viens de poser montre qu'un homme peut légitimement tuer un voleur qui ne lui aura pourtant pas causé le moindre dommage et qui n'aura pas autrement fait connaître qu'il en eût voulu à sa vie que par la violence dont il aura usé pour l'avoir en son pouvoir, pour prendre son argent, pour faire de lui tout ce qu'il voudrait. Employant la violence et la force, lorsqu'il n'a aucun droit de me mettre en son pouvoir et en sa disposition, je n'ai nul sujet de supposer, quelque prétexte qu'il allègue, qu'un tel homme entreprenant de ravir ma liberté ne me veuille ravir toutes les autres choses dès que je serai en son pouvoir. C'est pourquoi il m'est permis de le traiter comme un homme qui s'est mis avec moi dans un état de guerre, c'est-à-dire de le tuer si je puis. Car enfin, quiconque introduit l'état de guerre est l'agresseur en cette rencontre, et il s'expose certainement à un traitement semblable à celui qu'il a résolu de faire à un autre, et risque sa vie. Ici paraît la différence qu'il y a entre l'état de nature et l'état de guerre, lesquels quelques-uns ont confondu, quoique ces deux sortes d'états soient aussi différents et aussi éloignés l'un de l'autre que sont un état de paix, de bienveillance, d'assistance et de conservation mutuelle, et un état d'inimitié, de malice, de violence et de mutuelle destruction. Lorsque les hommes vivent ensemble conformément à la raison, sans aucun supérieur sur la terre qui ait l'autorité de juger leurs différends, ils sont précisément dans l'état de nature. Ainsi, la violence ou un dessein ouvert de violence d'une personne à l'égard d'une autre, dans une circonstance où il n'y a sur la terre nul supérieur commun à qui l'on puisse appeler, produit l'état de guerre. Et faute d'un juge devant lequel on puisse faire comparaître un agresseur, un homme a sans doute le droit de faire la guerre à cet agresseur quand même l'un et l'autre seraient membres d'une même société et sujets d'un même état. Ainsi, je puis tuer sur le champ un voleur qui se jette sur moi, se saisit des rênes de mon cheval, arrête mon carrosse. Parce que la loi qui a été faite pour ma conservation, si elle ne peut être interposée pour assurer contre la violence et un attentat présent et subi ma vie, dont la perte ne saurait jamais être réparée, me permet de me défendre, me met dans le droit que nous donne l'état de guerre de tuer mon agresseur, lequel ne me donne point le temps de l'appeler devant notre commun juge et de faire décider par les lois un cas dont le malheur peut être irréparable. La privation d'un commun juge, revêtu d'autorité, met tous les hommes dans l'état de nature. Et la violence injuste et soudaine, dans le cas qui vient d'être marqué, produit l'état de guerre, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait point de commun juge. Mais quand la violence cesse, l'état de guerre cesse aussi entre ceux qui sont membres d'une même société. Ils sont tous également obligés de se soumettre à la pure détermination des lois. Car alors, ils ont le remède de l'appel pour les injures passées et pour prévenir le dommage qu'ils pourraient recevoir à l'avenir. Que s'il n'y a point de tribunal devant lequel on puisse porter les causes, comme dans l'état de nature, s'il n'y a point de lois positives et de juges revêtus d'autorité, l'état de guerre ayant une fois commencé, la partie innocente y peut continuer avec justice pour détruire son ennemi, toutes les fois qu'il en aura le moyen, jusqu'à ce que l'agresseur offre la paix et désire se réconcilier, sous des conditions qui soient capables de réparer le mal qu'il a fait et de mettre l'innocent en sûreté pour l'avenir. Je dis bien plus, si on peut appeler aux lois et s'il y a des juges établis pour régler les différends, mais que ce remède soit inutile, soit refusé par une manifeste corruption de la justice et du sens des lois, afin de protéger et indemniser la violence et les injures de quelques-uns et de quelques parties, il est malaisé d'envisager ce désordre autrement que comme un état de guerre, car lors même que ceux qui ont été établis pour administrer la justice ont usé de violence et fait des injustices, c'est toujours injustice, c'est toujours violence, quelque nom qu'on donne à leur conduite. Et quelque prétexte, quelque formalité de justice qu'on allègue, puisqu'après tout, le but des lois est de protéger et soutenir l'innocent et de prononcer des jugements équitables à l'égard de ceux qui sont soumis à ces lois. Si donc on n'agit pas de bonne foi en cette occasion, on fait la guerre à ceux qui en souffrent, lesquels, ne pouvant plus attendre de justice sur la terre, n'ont plus pour remède que le droit d'appel au ciel. Pour éviter cet état de guerre, où l'on ne peut avoir recours qu'au ciel et dans lequel les moindres différends peuvent être si soudainement terminés, lorsqu'il n'y a point d'autorité établie qui décide entre les parties adverses, les hommes ont formé des sociétés et ont quitté l'état de nature. Car s'il y a une autorité, un pouvoir sur la terre auquel on peut appeler, l'état de guerre ne continue plus. Il est exclu et les différends doivent être décidés par ceux qui ont été revêtus de ce pouvoir. S'il y avait eu une cour de justice de cette nature, quelque juridiction souveraine sur la terre pour terminer les différends qui étaient entre Jephté et les Ammonites, il ne se serait jamais mis dans l'état de guerre. Mais nous voyons que Jephté fut contraint d'appeler au ciel. « Que l'Éternel, dit-il, qui est le juge, juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ammon. » Ensuite, se reposant entièrement sur son appel, il conduit son armée pour combattre. Ainsi, dans ces sortes de disputes et de contestations, si l'on demande qui sera le juge, l'on ne peut entendre qui décidera sur la terre et terminera les différends. Chacun sait assez, et sent assez en son cœur, ce que Jephté nous marque par ses paroles. L'Éternel, qui est le juge, jugera. Lorsqu'il n'y a point de juge sur la terre, l'on doit appeler à Dieu dans le ciel. Si donc l'on demande qui jugera, On n'entend point. Qui jugera si un autre est en état de guerre avec moi, et si je dois faire comme Jephté, appeler au ciel? Moi seul, alors, puis juger de la chose en ma conscience, et conformément au compte que je suis obligé de rendre en la grande journée au juge souverain de tous les hommes.